Franck Ruel, bonsoir. Peut-être bientôt des actions sur le rail. La CGSP cheminot fourbit ses armes. En cause, la décision du gouvernement de revoir les régimes spéciaux de pension à la SNCB. Actuellement, le personnel roulant peut partir à la pension à l'âge de 55 ans. Un âge qui sera progressivement repoussé jusqu'à 63 ans à l'horizon 2030. Pour la CGSP, l'application de cette disposition constitue une attaque frontale qui va entraîner à court terme de graves problèmes opérationnels et de sécurité. Les modalités de ce plan d'action seront définies le 27 octobre. Ce relèvement de l'âge de la pension concerne aussi les militaires et là aussi les syndicats annoncent des actions. On ignore pour l'instant quelle forme elles prendront. Les syndicats et la direction de Caterpillar Gosselies ne sont pas parvenus à s'entendre sur un planning d'expédition pour les semaines à venir. La semaine dernière, les deux parties étaient tombées d'accord sur l'expédition de 21 machines au cours de la semaine. Ce lundi, les syndicats espéraient obtenir un planning de livraison jusqu'à la fin de l'année avec une exigence que les volumes expédiés soient inférieurs aux volumes produits et cela pour pouvoir conserver ce qu'ils appellent un trésor de guerre. Mais au contraire, la direction a exiger que les expéditions se fassent au même rythme que la production et même au-delà. Provocation, rétorque les syndicats qui parlent d'une position inacceptable. Aucune nouvelle rencontre n'a été programmée. L'aviation russe va cesser de bombarder la ville syrienne d'Alep pendant 8 heures ce jeudi. Une pause humanitaire, annonce Moscou. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, parle d'une étape positive mais trop courte pour y acheminer de l'aide aux civils pris au piège. Aujourd'hui encore, des frappes sur les quartiers rebelles ont fait de nombreuses victimes, dont 12 membres d'une même famille. Les sauveteurs parlent de désastre. Le volume de décombres est tel qu'il bloque des rues entières. Des frappes condamnées par l'Union européenne. Pour les ministres européens des Affaires étrangères réunis à Luxembourg, le fait de viser délibérément des hôpitaux et des écoles pourrait s'apparenter à des crimes de guerre. Fin de ce journal, très belle soirée. À 21h sur Viva Bruxelles, BXXL. Avec Stéphane Piedbeuf, Lucas Correa et Marion Jaumotte. Bonsoir Bruxelles, bonsoir Marion. Bonsoir Bruxelles. Bonsoir Lucas. Bonsoir à tous. Bienvenue dans BXXL. Mais merci, c'est ma première fois, je suis tout ému. Eh ben voilà, et c'est ému. Le baptême hein, aujourd'hui. Oui, vous avez prévu quelque chose Je ne sais pas, Marion a plus été à l'école que moi, donc je ne sais pas. Hein. Du harissa pour avoir la petite larme. J'ai déjà fait le bizutage. Oui, effectivement, vous êtes allé manger marocain. Exactement. C'était bon. Très escarbé, bon. C'était très bon. Ouais, avec le guide Delta. Et puis vous avez testé aussi le Wi-Fi gratuit. Exactement, et oui, à la porte de Halle maintenant depuis plusieurs jour, le wifi est gratuit, mais est-ce que ça marche hein? Oui. C'est ce qu'on va voir. Et pourquoi pas 9 filles? Pourquoi 8? Oh, vous êtes trop gourmand, Stéphane. Bah, je sais pas. Hein. Mais comment on dit, un petit harem, le Maroc, le resto, tout ça, ça m'a donné des idées. Marion, vous suffit pas. Marion, vous suffit pas. Non. Bon. Je ne relèverai pas. Nous avons un invité, il s'appelle Alain Ledens. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Marion. Vous êtes kinésithérapeute et il a déjà commencé à être désagréable puisqu'il a dit que j'avais une scoliose. Aïe, aïe, aïe. Hein? Bon, on va pas parler de votre premier métier. On va surtout parler de votre passion aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, vous êtes guide et apparemment un très très bon guide dans Brussels by Water. Hein. Alors tout à fait, Brussels by Water permet de découvrir sa ville, mais via le bateau. Sur le canal donc. Sur les deux canaux de Bruxelles et surtout dans le port de Bruxelles. On en saura davantage un petit peu plus tard. Bienvenue dans BXXL, on est là jusqu'à 21h sur Viva Bruxelles 99.3 et sur vivacité.be. De 20 à 21h sur Viva Bruxelles. C'est BXXL. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Ne tiens qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, ma peine c'est pas du toc. Les larmes de crocodile en font Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. J'écoute du Miles Davis, c'était Navi sur Vivacité. BXXL. Et Lucas est parmi nous, bien sûr, puisque Julien est à Hanoï, hein, pour ceux qui s'inquiètent de son activité. On rassure toutes ses fans qui nous envoient déjà de nombreux messages. Ah, c'est elle devant le studio. Oui. Okay. Et puis sur Facebook, n'en parlons pas, hein, le virtuel, oulala. Lucas, vous avez testé le Wi-Fi gratuit à Bruxelles dans le métro. Vous saviez qu'il y avait le Wi-Fi gratuit là depuis quelques honnêtement, jours. Honnêtement, j'avais entendu parler qu'il y avait du Wi-Fi gratuit sur certaines places de Bruxelles, ouais. Mais je ne savais pas que ça s'étendait aux stations de métro. Voilà, pour l'instant, on est en phase test. Hein, pour l'instant, donc c'est pas dans toutes les stations de métro. Ici, le test, il se passe à la porte de Halle. Vous êtes des accros, vous, à votre portable, tout le temps connecté en avec général, la 3G. En général, quand on est dans le tram et quand on passe sous le tunnel, on s'en vient un peu dans le tram. Faire, Voilà. Bon, utile alors. Le Wi-Fi dans le métro. Oui. Bon, c'est l'avis aussi des Bruxellois que j'ai pu le rencontrer. Je vous disais, c'est encore un test, donc ça doit inévitablement s'améliorer. Et Bruxelles est quand même relativement en retard, hein, parce que Londres, Paris, Amsterdam sont déjà bien équipés avec un réseau d'ailleurs assez puissant. Nous, ça commence à arriver tout doucement, mais surtout, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que vous savez surfer longtemps avec votre smartphone quand vous êtes dans le métro? Enfin, il devrait y en avoir 66 au total au terme de cette phase de test. 66 bornes, autant dans le métro que dans des lieux publics comme à la place Royale, la place Rogier également. Donc je suis allé à la rencontre des Bruxellois, j'ai essayé avec eux sur leur smartphone, mais d'abord je voulais savoir s'ils savait que ça existait. Eh bien, écoutez. Non. Non, je savais pas. Vous voulez me l'apprendre? Ben non, je l'apprends, vous me l'apprenez. Absolument pas, non. C'est écrit, c'est indiqué quelque part ou... Eh bien oui, grâce au magazine Métro, je l'ai découvert tout à fait par hasard. Une agréable surprise quand j'ai eu mon smartphone sous la main et que j'ai pu constater que tout fonctionnait. Donc oui, très agréablement surpris. On peut faire le test ensemble et que vous l'utilisiez avec votre smartphone? Oui, si vous voulez. Alors voilà, maintenant que vous êtes inscrit en ligne pour pouvoir utiliser le Wi-Fi, est-ce que c'est compliqué d'utilisation? Faut tout d'abord s'inscrire, etc. Donc bon, c'est un petit peu une procédure un peu longue, un peu embêtante, mais sinon voilà, à part ça, pour le reste, ça va. Il faut d'abord s'habituer, ça n'est pas si évident que cela, donc on tâtonne un peu, mais voilà, maintenant c'est fait. C'est un peu lent au début. Maintenant, je suppose que tout cela va s'améliorer avec le temps. Mais enfin, regardez vous-même. Qu'on accède facilement au Wi-Fi. Ouh, non. Et pour la porte de Halle, je ne vais pas avoir le temps de m'inscrire, que je serai déjà à l'autre bout de Bruxelles. Donc, est-ce qu'on peut s'inscrire de chez soi? Parce que... Pour l'instant, c'est juste à la porte de Halle. Alors, c'est beaucoup trop long. On peut faire le test avec votre smartphone et partir un petit peu plus loin pour voir la portée du Wi-Fi? Oui, pas de souci. Alors, ça capte? Parfait. Aucun souci. Donc voilà, on s'éloigne de plus en plus de la porte de Halle. Dites-moi si le Wi-Fi est toujours captable au fur et à mesure. Alors, on voit que tout doucement ça commence à ramer. Donc j'imagine qu'il a une portée quand même limitée, surtout dans la station. Quand dès qu'on est en dehors, c'est un peu plus compliqué. Attendez. Ici, un tout petit peu moins. Ah voilà, ça revient. Mais oui, ça tâtonne encore un peu. Le Wi-Fi dans le métro, c'est indispensable? Ça peut servir, c'est pas quelque chose d'inutile, donc oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Mais enfin, oui, bien sûr, oui, on attendait que ça, mais pas comme ça. Ce qu'il faudrait, mais c'est pas que pour les Bruxellois, c'est pour tout le monde, c'est le Wi-Fi doit être accessible à tout le monde, à tout moment. On vit maintenant dans un monde où on a besoin du Wi-Fi, c'est la base. Donc oui, il faut le Wi-Fi, voilà. Donc bonne initiative à simplifier, mais il faudrait que ça se généralise et que ça ne demande pas une inscription trop longue, on va dire. Bon, bah voilà, alors visiblement c'est l'inscription qui pose le plus de problèmes aux Bruxellois que j'ai pu rencontrer. Mais je comprends pas pourquoi il faut s'inscrire et rentrer plein de coordonnées. Pourquoi on n'aurait tout simplement pas accès au Wi-Fi Point. Hein, voilà. Eh ben, comme ça, ils ont une belle base de données, j'imagine, avec des petites données personnelles pour envoyer peut-être des promotions et peut-être aussi des messages aux Bruxellois. J'ai pas creusé la question, hein, pour être franc, mais en tout cas, le questionnaire, pour l'avoir rempli, oui, c'est pénible, surtout avec le smartphone. Évidemment, il y a le métro qui arrive, il repart. On vous demande quoi, par exemple? Alors, nom, prénom, adresse email, le centre d'intérêt. C'est ah oui, carrément. Ah ouais, oui. Mais c'est en contradiction avec l'aspect métro qui est super rapide, où on prend le métro toutes les 3 ou 4 minutes dans Bruxelles, ou le tram. Et ici, bah, rien que pour s'inscrire, visiblement, ça prend, comme l'auditeur le disait très bien, ça prend tout le trajet de A à Z. Quoi. Non, un peu ridicule, ça. Hein. L'idée, évidemment, c'est qu'il y en ait dans toutes les stations de métro à terme. Et là, vous pouvez commencer votre inscription à la Porte de Halle et puis attendre, prendre votre métro, aller mais ce serait intéressant de savoir suivante. combien de connexions par jour il y a. Et ben justement, le problème qui en pose vraiment aujourd'hui, c'est que plus il y a de gens connectés, inévitablement, plus ça ralentit et moins il y a de gens qui savent se connecter. Donc ça c'est à voir. L'avantage, c'est qu'une fois que l'inscription a été faite, elle est valable un an. Donc on est tranquille pendant un an. Il ne faut pas le refaire à chaque fois que vous vous connectez à une station de métro. Donc bon, les Bruxellois contents dans l'ensemble. Bon, le test n'est pas vraiment à 100% concluant. On attend évidemment avec impatience que ce soit réglé une bonne fois pour toutes et qu'on l'ait partout. Alain Lodens de Brussels Bywater est notre invité. Vous saviez qu'il y avait du Wi-Fi? Vous prenez le tram de temps en temps? Alors absolument pas, mais dans notre Waterbus, il y a du Wi-Fi à bord. Ah, voilà. Et il fonctionne? Et il fonctionne. Et entre Villevorte et Bruxelles sans s'inscrire. Ah ben voilà, il a tout compris. Et on en parlera de Brussels Bywater dans un instant dans BXXL, bien sûr. Donc Wi-Fi, pas convaincu. Moitié-moitié, on va dire. Marion? Bah, bonne idée, mais il faut que ça marche. Moi, pas du tout convaincu. Moi, je suis désolé. Pour moi, on doit se connecter tout de suite. Alors, l'heure de pointe, elle doit être couverte. Aujourd'hui, les technologies le permettent avec des fibres optiques et de la bande passante gigantesque, il y en a, ça existe. Voilà, il faut à un moment donné se sortir le balai et y aller content. À fond. Ah non, mais non, franchement non. Furieux. Alors, il y a Wi-Fi, quoi. Je veux dire, si c'est pour avoir du Wi-Fi ça ne sert à rien. Hein, on est d'accord. Allez, on râle plus, on met de la musique et puis on se retrouve juste après. Vivacité présente les 10 ans d'énergie et Habitat, le salon de référence de la construction durable et de l'efficacité énergétique. 170 exposants, un espace conseil animé par des experts, des conférences, un espace innovation, du 20 au 23 octobre à Namur Expo. Plus d'infos sur energie-habitat.be avec le journal L'Avenir. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hotsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Vous cherchez un appartement neuf de grand confort à Bruxelles? Thomas et Piron vous présentent les résidences M Square, un ensemble immobilier d'exception situé à deux pas du centre. Portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17 heures dans notre bureau d'info sur place situé avenue du Condor à Molenbeek-Saint-Jean. Venez y découvrir nos offres exceptionnelles de lancement. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Offre soumise à condition. Vive à Bruxelles et la 2 présente Mister Cover à Forêt Nationale le 3 décembre. Après 3 sold-out à l'ancienne Belgique, Mister Cover est maintenant de retour sur Bruxelles pour un concert exceptionnel. Mister Cover à Forêt Nationale, c'est le 3 décembre. Info et tickets sur mistercover.be. Bonsoir un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, les yeux fermés. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et y en a qui voudraient. Il y en a qui referaient leur passé, certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient, d'autres qui prieraient, ceux qui s'en fichaient se donneraient du plaisir, et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais si on devait XL avec la musique que vous aimez, Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre. Si on devait mourir demain, tiens, je vais poser la question à Marion pour savoir si vous deviez mourir demain, que feriez-vous? J'irai voir ma famille une dernière fois. D'accord, ah oui, c'est oui, une dernière fois. Et vous leur diriez quoi? Que je les aime. Oh, c'est mignon. Bon, dans un instant, il y aura encore de la musique évidemment. Mais juste avant, restez à l'écoute. Jusqu'à 21h sur Viva Bruxelles, BXXL. Nick et Flup te racontent Bruxelles, c'est sur internet bien sûr, une page Facebook, un site internet magnifique, mais ils sont là en chair et en os pour vous ce soir dans BXXL et ils vont vous raconter la légende des six jeunes hommes. Personne ne le dira jamais assez, hein, mais Bruxelles est une terre d'accueil. Ça, on en a vu passer du monde. Les Espagnols, les Hollandais, les Autrichiens, les Français, les Allemands. Et il faut bien dire que tous ces envahisseurs n'ont pas laissé un bon souvenir, hein. Par exemple, au XVIe siècle, Philippe II, le roi d'Espagne. Oui, un ex-merle absolu là. Qui nous envoie comme gouverneur le duc d'Albe. Un beau saligo qui a fait régner la terreur sur nous. Et pourtant, à l'époque, on s'en veut s'amuser, hein. Les quatre de Bruxelles, c'était des gens de fameuses mangeurs, hein, comme dans la légende des six jeunes hommes. Qui étaient six? Ouais. Pourquoi tu dis ça maintenant? Parce que dans la rue des six jeunes hommes, qui est à côté de la rue des quatre fils Aymon, hein, il y a une enseigne où ils sont plus que quatre. Les fils Aymon? Non, les six jeunes hommes. Mais pourquoi tu leur racontes ça? Tu vas les enduire en horreur, hein? Allez, on peut un peu rire quand même, tu sais quoi, c'était leur blague préférée à ces six snotteneuses. Oui, mettre de l'encre dans les bénitiers. Changer les enseignes des commerçants, celles du boucher avec celles du boulanger, faire sonner les cloches des églises en pleine nuit, tirer la flèche du tram. Oh, oh non, hein, ça flippe. Ça c'est pas possible, hein? Au 16e siècle? En tout cas, un jour, armés d'une bassine remplie de suie d'un goupillon, ils ont envoyé le goupillon tout noir en plein sur la smole d'un pays à sa fenêtre. Manque de bol, c'était Jean Varias, l'âme d'année du duc d'Albe. Hein. Il se met à les poursuivre, armé d'un mousquet. C'est une sorte de fusil qui s'est tiré qu'un coup. J'ai un ami comme ça, sa femme a fini par demander le divorce. Oui. Enfin, bref. En pleine rue, Vargas, il vise les quêtes, tire et berde enfin. Voilà un soldat espagnol qui venait dans l'autre sens, qui tombe raide de mort comme un stockvis, hein. Ça a été un capitaine chargé d'enquêter sur une conspiration. Et comme ce crapuleux de Vargas est allé raconter que c'était les gamins qui avaient tiré sur lui, les gardes-ville les ont arrêtés et ils ont été condamnés volgas et puis pendus. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus martyrs et héros contre la tyrannie espagnole. Allez. Un dernier conseil pour terminer, hein. Si toi aussi tu veux faire de ton Yann à Bruxelles, passe pas attention, hein. Aujourd'hui, on ne pend plus personne dans la capitale de l'Europe, hein. Mais tu peux toujours avoir une peine d'intérêt général. Comme faire blinquer les boules de l'atomium aussi dole ou passer la loca reloctée dans la salle des pas perdus du palais de justice. Alors, à bon entendeur, salut, hein. En de kost. En de wind van nachtig. Et n'hésitez n'hésitez pas à rejoindre Nick et Flup sur internet. Nick et Flup te raconte Bruxelles, c'est la page Facebook, et puis nicketflup.be aussi si vous souhaitez revivre toutes ces histoires en vidéo aussi. Il y a des vidéos fabuleuses, donc n'hésitez pas à y aller, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec nos deux compagnons. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher ? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Méser. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Vous avez un projet d'aménagement extérieur ? Du 15 au 29 octobre chez Bourguignon-Bois, conditions exceptionnelles sur une sélection de planchers de terrasses et bardages. Bourguignon-Bois, depuis 3 générations. Écoute, conseils et solutions sur mesure. Notre passion du bois s'expose dans notre showroom de Wallin, E411, sortie 10, et sur bourguignonbois.be. La section Belgique du Haut Conseil des Béninois de l'Extérieur vous attend au Festival des Arts Vaudou les 22 et 23 octobre au Brussels 44 Center. Découvrez le patrimoine culturel du Bénin. Expo, performances live, concerts musicaux et gastronomie. Le rendez-vous, les 22 et 23 octobre au Brussels 44 Center. Info sur festivalvaudou.org. Ambassadeur sur Vivacité, c'était Renegades. Belle soirée avec nous sur Vivacité, c'est l'heure de faire plus ample connaissance avec notre invité Marion. C'est vous qui l'avez rencontré la première fois à bord d'un bateau, c'était le Love Boat. C'était pas vraiment le Love Boat, mais oui, c'est bien ça. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait la petite croisière à Perro début septembre, oui. Et j'avais parlé du guide, j'avais dit que c'était vraiment le grand plus de cette croisière, parce que le guide était vraiment passionnant, c'était un amoureux de Bruxelles qui aime raconter des choses sur sa ville, et ce guide, eh bien, c'est Alain Loden, ce qu'on a invité ce soir. Eh oui, Alain, qui est aussi kinésithérapeute. Oui, ça c'est son premier métier, mais oui. Il a commencé à être guide par passion, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Comment ça a commencé cette histoire de guide ? Ah ben ça a commencé dans les galeries à Paris. Ah bon, vous êtes parisien de, Non, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai suivi un guide dans les galeries parisiennes. Et puis, guide nature, je me suis dit que faire connaître aux Bruxellois leur parc, marier en même temps la nature et l'architecture, l'art, ça pouvait être un plus. Partager une passion et faire connaître Bruxelles à ses citoyens et surtout à ses nouveaux citoyens également. Oui. Et vous préférez être guide pour quoi ? Pour Paris ou pour Bruxelles ? Non, Bruxelles, c'est ma ville, j'y tiens. Vous êtes né en Anderlecht, hein, c'est ça ? Non, je suis né à Schaerbeek, chez les ânes. Chez les ânes. Et pourquoi les ânes ? Ah, c'est une longue histoire. Si vous avez une minute, je veux bien la raconter, mais vous ça risque d'être un peu long. Un petit quart d'heure. En fait, c'est la fabrique. Ça risque d'être un peu iant, c'est ça que vous êtes en train de dire ? Non, pas du tout. Ça date d'il y a quand même pas mal de temps. À Schaerbeek, on cultivait de la cerise. Et cette cerise servait à fabriquer la crique. Mais il y avait également une taxe sur les chevaux, ce qui fait que les Escarbécois plus malins employaient des ânes pour tirer leurs charrettes. Voilà. Mmh. Et voilà, quand les Escarbécois allaient vendre leurs cerises à Bruxelles, on disait, ben voilà, les ânes arrivent. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous passionne dans Bruxelles? Parce que quand vous avez pris la décision de devenir guide, j'imagine qu'il y avait des endroits que vous teniez absolument à partager avec le public. Moi j'ai une prédilection pour le vieux Bruxelles, Saint-Géry particulièrement, la Seine, toute la Seine, son parcours à travers Bruxelles, et surtout les modifications au fil des ans, je dirais des siècles, et l'adaptation de tout ce territoire qui a maintenant disparu, les couvents, etc. Mmh, très bien. Et d'où vous tenez toutes vos connaissances comme ça sur Bruxelles? Où vous avez appris tout ça? Ah ben écoutez, c'est l'ivresque, c'est les autres guides, et puis se balader, et surtout regarder. Il faut ouvrir les yeux quand on marche en Bruxelles. Ah, c'est important, aussi bien par terre que dans les airs. Il y a des galets, on peut tomber hein, dans Bruxelles. Comment définissez-vous le Bruxellois? Pour vous, le Bruxellois, c'est... Alors, c'est la Zouance. La Zouance. Ah, nous deux Bruxellaires, on en a déjà parlé, ça, la Zouance. Ouais. Voilà, tout à fait. Je crois que c'est typique du Bruxellois, c'est cette bonne humeur, cet aspect un petit peu typique, bon enfant, chaleureux. Ouais, je crois que c'est surtout ça, quoi. D'accord. Bon, vous êtes guide dans le Waterbus, hein, dans Brussels by Water, sur les deux canaux bruxellois, vous nous l'avez dit tout à l'heure. On va en parler dans un petit instant, bien sûr, de ce qu'on voit finalement à bord du bateau. Je vous avoue que je suis allé à la journée porte ouverte de la fête du port de Bruxelles, mais on n'a pas été bien loin. Mais les gens étaient ravis, hein, ceux qui revenaient après d'avoir été faire une balade sur le canal. Il y a des choses à voir et vous allez tout nous dire dans quelques instants sur Vivacité. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles. Quel que soit votre style, vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvatore. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget. Des prix vraiment plus qu'accessibles. Des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Vilvoorde et Rode-Saint-Genèse.be. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'RTBF envoie trois journalistes parcourir les États-Unis pour prendre le pouls de la société américaine. La course à la Maison-Blanche, une expérience inédite et originale à suivre sur rtbf.be/Maison-Blanche. À suivre aussi sur Vivacité dans 5 à 7 à 18h30. Again, and I want you to stay by my side. Whether it shines or rains, I'm counting the days, the hours, until we meet again. This time I'll try to make it right, getting rid of all the shame. Sure, we hurt, I've got nothing to lose. My hand, I feel confused. I wonder if you feel the same. Merci d'écouter Vivacité 99.3, également sur internet vivacité.be. Nous sommes sur Bruxelles et là on écoutait Laura Crow et Ecstasy. BXXL. Nous sommes de retour avec Alain Lodens, guide à Brussels by Water, que Marion a rencontré lors d'une croisière apéro il y a quelques semaines. Ça vous a vraiment marqué, Marion, de rencontrer Alain, puisque visiblement, c'est quelqu'un qui parlait de Bruxelles avec une telle passion qu'il a retenu toute votre attention. Ben effectivement, franchement, j'ai appris plein de choses durant cette croisière, mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est tout le côté industriel de Bruxelles qu'on ne voit pas vraiment, mais que depuis l'eau, on voit vraiment bien. Et on a eu plein d'explications par rapport à ce passé industriel qui est encore assez présent finalement à Bruxelles. Alors tout à fait, Bruxelles est un port de mer. Alors c'est un petit port, mais un port de mer malgré tout. Alors si on relit l'histoire de Bruxelles avec ses canaux, eh bien on voit l'importance sociale du port de Bruxelles. Le port de Bruxelles, ça n'est pas que des entreprises, ça fait travailler des gens également. Le port de Bruxelles, c'est une certaine surface qui va être aménagée dans ce qu'on appelle maintenant la zone du port, qui est une zone élargie avec pas mal de mélanges sociaux qui vont venir, pas seulement des habitations de luxe, je vais dire, comme la Tour Athénor, mais également une mixité sociale. D'où l'intérêt de rencontrer tous ces gens sur le bateau et de les informer de ce qui va se passer, tant au niveau social qu'au niveau industriel. Et dans les grandes lignes, comment ça va se passer ? Alors dans les grandes lignes, c'est un architecte, Alexandre Kiemotov, qui a fait un plan avec une vision large de 2020-2025 de Bruxelles, qui est au fond une vision étendue de toute la zone portuaire. Et par-ci, par-là, maintenant, déjà, on voit des rénovations, des anciennes minoteries qui sont réaffectées, des nouvelles constructions passives de CPS comme Anderlecht, l'aménagement du bassin Vergote où tous les grossistes en matériaux de construction vont être centralisés, et l'aménagement surtout du bassin Beko, là où il y a Bruxelles-les-Bains, là où il y a Couleur oui. Café avec Tour et Taxi. Donc c'est un bassin qui va tout à fait réaménager pour le loisir avec Bruxelles Environnement qui va faire un parc, une plaine de jeux. Et cette plaine de jeux est particulièrement importante. Parce qu'elle permet de relier tout ce qui est le bassin maritime, donc la partie supérieure, les anciens entrepôts BIR qui se trouvent derrière Tour et Taxi, de relier et de ramener cette population vers le centre de Bruxelles. D'accord. Et puis aussi, il y a la partie historique. Hein. Moi, je me souviens de l'anecdote que vous avez racontée avec le roi qui partait, qui prenait la fuite via un petit passage secret derrière le palais. Ce n'est pas vraiment un passage secret, puisque sa guerre est visible depuis le bateau. Mais disons qu'il y avait effectivement un tunnel qui a été creusé entre la gare privée de Léopold II et le Brick, le port de Plaisance. Donc ce tunnel existe, mais les rails n'ont jamais été posés. D'accord. Non, c'est bizarre ça. Donc là pour l'instant, c'est impossible de reprendre ce passage secret. Ah ben écoutez, c'est dans le domaine royal. Bon, on peut les appeler, enfin on peut essayer, hein, pour leur demander qu'est-ce que vous en faites là. C'est intéressant. Alors, la croisière apéro, c'est fini, mais par contre, il y a le waterbus, donc on peut quand même se promener sur le canal via ce waterbus. Oui, petit à petit, la saison touristique touche à sa fin, mais le waterbus, c'est un projet en cours de développement et c'est donc relié. Via un bateau, Vilvoorde, avec le site de Watersaint, le Trois Fontaines également, de relier donc par la voie d'eau, en évitant tous les embouteillages et de Vilvoorde et de Bruxelles, avec Wi-Fi à bord, d'une façon plus agréable, donc que vous lisiez votre journal, que vous employiez votre PC, que vous buviez un petit café à votre aise, donc de relier d'une certaine façon hors embouteillage Vilvoorde à Bruxelles. Alors vous dites que la saison touristique est terminée, on l'entend bien, mais est-ce qu'il y a moyen de faire des choses autour du canal de Bruxelles et même sur le canal de Bruxelles en hiver? Parce que ben voilà, on cherche aussi des activités pour occuper les enfants, les familles pendant l'hiver. Est-ce que c'est mort de ce côté-là? Non, c'est pas mort du tout. Alors que la saison touristique se termine, maintenant il y a une saison éducative qui arrive. Et pour ça, c'est une autre association qui s'occupe de toute la problématique de l'eau à Bruxelles et qui est Coordination Seine. Coordination Seine vous permet de faire des visites, des balades, des promenades, aussi bien la Seine à Anderlecht que le site de Tour et Taxi, qu'encore la station d'épuration d'eau usée de Bruxelles-Nord. Donc ce sont tous des autres projets via la thématique de l'eau que Coordination Seine développe. Très bien, donc on va mettre le lien sur notre site, hein, sur la page Facebook, dans un article BXXL. Bah, on apprend des choses, c'est vrai que le canal de Bruxelles, finalement, il est assez méconnu quand même, au final. Oui, on connaît pas plus bien, connu, hein. Parce que c'est vrai que quelque part, je pense que tous les Bruxellois savent où est le canal, mais ne savent pas ce qui se passe autour de Bruxelles, autour de ce canal, et c'est vrai que ça mérite d'être vraiment connu. Et heureusement qu'il y a des personnes pour nous l'expliquer. Oui,

sur Viva Bruxelles. Ça y est, c'est le moment sur BXXL, c'est le moment de savourer, de partir là où il y a du soleil, grâce à Marion et à Lucas qui sont allés manger marocain. Oui, c'est ça, je vous emmène découvrir un petit bout du Maroc importé à Skerbeek, place Collignon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est près de pas l'hôtel de ville, mais près de la commune. Voilà. Oui, c'est la maison communale. Voilà, près de la maison communale. On parlait justement des cerises et des ânes. Là. Ouais. Oui, et donc cette semaine, c'est à la table du restaurant Al Matbak que nous nous sommes assis et le patron vous souhaite déjà la bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de Vivacité, au nom du restaurant Al Matbak, situé sur la majestueuse place Collignon, maison communale de Skerbeek. Al Matbak, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc Al Matbak signifie la cuisine en arabe. La cuisine, là où tout se passe pour un restaurant. Exactement, oui. La cuisine, donc, c'est vraiment l'endroit où l'on prépare à manger, la cuisine. Bon, en tout cas, Lucas, on peut dire que dès qu'on pousse la porte du restaurant, on est plongé dans une ambiance marocaine. Oui, on est déjà en vacances, on a l'impression. Ce qu'il y a de bien comparé à d'autres restaurants marocains qu'on peut trouver en ville d'habitude, c'est que c'est pas trop chargé. C'est bien parce que ça respire, les murs sont blancs, il n'y a pas trop de déco, il y a juste ce qu'il faut pour pouvoir nous permettre de voyager. Allez faire un tour aux toilettes, parce que les toilettes sont tout aussi décorées et c'est très intéressant à aller voir. Mais c'est toujours intéressant de voir les toilettes des restaurants et des bars. C'est révélateur. Alors, chez vous, c'est un tagine de légumes, donc vous avez tout un assortiment de légumes mijotés. Et alors, chez monsieur, ici, vous avez un petit bouillon de légumes, un petit supplément de semoule et alors une assiette avec le mix de merguez, avec le petit assortiment de semoule. Et ici, vous avez un peu d'harissa. Qui pique fort ? Quand même, oui, l'harissa. Après, tout dépend aussi un peu le niveau de tolérance. On en a déjà vu pleurer, mais on essaye de faire ça un minimum possible. Mais écoutez, on va observer s'il y a des larmes sur le visage de Lucas ou pas à la fin du repas. Ne vous inquiétez pas, j'ai un paquet de mouchoirs. Des larmes de joie, peut-être. Oui, j'espère. Merci beaucoup. À bon appétit. C'est super bon et c'est bien, ça sort un petit peu de l'ordinaire par rapport aux autres couscous qu'on peut trouver dans d'autres restaurants marocains et tunisiens. C'est vraiment revisité et les merguez sont vraiment bien grillées avec différentes sortes, des plus piquantes, des moins piquantes. La présentation aussi, elle est vraiment bien parce que c'est pas mis à la louche, on va dire. C'est vraiment bien présenté dans une belle petite assiette rectangulaire avec la semoule d'un côté et les merguez de l'autre. Top. Et par contre, j'étais très surprise en voyant mon plat arriver parce que c'était vraiment dans un vrai grand tagine. Et alors quand le serveur a soulevé le chapeau du tagine, il m'a dit « Attention, ça risque d'être un peu chaud ». Et effectivement, il y avait encore les petits bouillons dans mes légumes. Et effectivement, c'est très chaud, mais c'est surtout très très bon et très copieux parce que la quantité est assez importante. Je ne crois pas que je vais savoir arriver au bout avant la fin du repas. Donc je suis en présence d'Hassan, c'est le chef qui vient de cuisiner nos délicieux plats. Quelles sont vos spécialités? Moi je fais tout ce qui est cuisine orientale revisitée. Donc on fait un peu tout ce qui est cuisine de terroir nord-africaine, maghrébine, orientale, revisitée. Vous êtes venu aujourd'hui manger un lunch, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ah mais délicieux, mais j'adore le restaurant. Je trouve que des plats originaux et délicieux et on a l'impression d'être au Maroc. Bon bah sympa, le resto, ça coûte cher? Bah vous pouvez compter une quarantaine d'euros par personne pour ce restaurant et on peut dire que vous en avez pour votre argent parce que les portions sont vraiment très très très généreuses. Hein. Moi mon tagine, bah, c'est un tagine entier et vraiment bien rempli. Elle donc, le mange encore d'ailleurs. Hein. Voilà, oui, je ne savais vraiment pas arriver au bout et pourtant j'avais faim en arrivant. Donc, vous avez repris un doggy bag si je comprends bien. Bah, voilà, on n'a pas osé demander le doggy bag, mais en tout cas vous ne serez pas déçus niveau quantité, ça c'est sûr, vous en aurez pour votre faim. Alors le chef Hassan vous propose des plats traditionnels mais toujours revisités. Donc ça, c'est sympa de manger des plats classiques du Maroc, mais avec une petite touche originale. Et donc, c'est remis au goût du jour et c'est épicé à la modernité. Une cuisine marocaine, comme vous n'en avez sûrement goûté nulle part ailleurs. Bah, c'est succulent. En plus, c'est vrai que la cuisine épicée, quand il fait froid, et là, il commence à faire froid, les nuits sont plus fraîches, etc. Pour déboucher le nez, et là, c'est bien. Là, c'est pas mal hein, d'y aller. Je sais pas, Alain Lodens, ça vous tente un petit resto marocain? J'en ai la salive à la bouche, j'ai longtemps parlé. C'est vrai, hein, on est en vacances, hein, c'est incroyable. Le pouvoir qu'ont ces restos du bout du monde finalement quand ils se trouvent à côté de chez nous, de nous faire voyager le temps d'un repas. Alors il y a quand même un plus, c'est que le serveur est vraiment très gentil et plein d'humour, alors il vous met bien à l'aise, il vous fait passer un bon moment et puis le service quand on va dans un restaurant c'est quand même important, si on est mal reçu on n'y retourne pas, mais là en tout cas il n'y a pas de souci de ce côté-là, il est vraiment sympa et puis il faut aussi souligner que le restaurant dispose d'une très belle terrasse et donc en été c'est sympa pour aller boire un verre ou pour manger un petit bout parce que la terrasse est aussi plongé dans l'ambiance marocaine, donc c'est un petit moment de dépaysement. Voilà, le restaurant sélectionné par les guides Delta, testé et approuvé par BXXL? Oui, approuvé. Totalement approuvé. Super chanson de LP, en même temps ils sont pas fous les deux lettres LP, mais ça cartonne dans le tip top notamment que vous retrouvez tous les samedis sur Viva entre 10h30 et 13h. BXXL. Voici le moment de retrouver nos conteurs bruxellois préférés, Philippe Baudot et Dominique Brinard, pour leur séquence Petite et Grande Histoire de Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est le soir de votre grande œuvre, puisque vous allez nous parler alchimie. Et oui Stéphane, nous avons choisi cette fois un sujet qui peut vous enrichir. C'est top ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas aller très loin pour cela. Il suffit de se rendre sur notre grande place. Alors derrière ces ornements et ces statues, celle-ci offrirait à la vue de tous les clés permettant de percer les secrets du grand œuvre, la fabrication de la pierre philosophale, celle qui transforme le vil métal en or. Tout commence en 1695. Cette année-là, le maréchal de Villeroy bombarde Bruxelles. En peu de temps, la Grand Place n'est plus qu'un champ de ruines. Certains en verront d'ailleurs dans ce bombardement l'œuvre au noir. La nécessaire destruction de la matière préalable à sa recomposition. Les Bruxellois sont courageux. Il ne leur faut que 5 ans de labeur pour que la Grand Place, tel le phénix, renaisse de ses cendres dans toute sa splendeur. Son architecte est un certain Guillaume de Bruyn, qui, à la fin de ce gigantesque chantier, déclare à ses ouvriers qu'ils ont contribué à une œuvre immortelle. Mais de quelle œuvre parle-t-il? Et en quoi est-elle immortelle? De Bruyn fait-il allusion au secret de l'alchimie? Si mes souvenirs sont bons, on parle d'un véritable parcours initiatique pour ceux qui veulent percer le secret des alchimistes. Effectivement, il vous faut partir de l'église Saint-Nicolas et vous diriger ensuite vers la Grand Place, par la rue au beurre, en observant très attentivement les statues, les inscriptions. Alors par exemple, un bas-relief vous apprend comment recueillir la rosée du matin sur des draps blancs, de manière à en extraire le sel. Ce parcours vous mène tout naturellement face à l'hôtel de ville, dont les deux ailes symbolisent les deux chemins vers la pierre philosophale. Les 12 arcades de la partie gauche représentent les 12 mois de la voie humide, tandis que les 7 arcades de la partie droite représentent les 7 jours de la voie sèche. Et puis tout en haut de sa flèche, sur une plateforme évoquant la rose des alchimistes, il y a l'archange Saint-Michel, qui semble bien être mouillé dans cette affaire. On a trouvé sous son talon une médaille en argent. Médaille enfermée dans un étui en plomb. Lui-même placé dans une boîte en fer. Cette boîte a été placée dans le pivot de la sphère en cuivre qui porte le diable et l'archange. Et ce n'est pas tout. Saint-Michel, qui symbolise le mercure, est caparaçonné d'étain et recouvert de feuilles d'or. L'argent, le plomb, le fer, le cuivre, le mercure, l'étain et l'or, ce sont bien les 7 métaux de la rose alchimique qui trônent au sommet de l'hôtel de ville. Un hasard, vraiment ? Et si, justement, par hasard, vous parvenez à trouver la pierre philosophale, vous pensez à nous, n'est-ce pas, Stéphane ? Effectivement, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Le hasard n'existe pas, hein. Vous êtes au courant de ça. Hein. Ah, tout à fait. On le dit. C'est chouette, ça, de parler d'alchimie, parce que un de mes livres préférés, pour le moment, c'est le livre de Paulo Coelho. Ah, tiens, l'alchimiste. L'alchimiste, ah, voilà, je suis en train de le lire et c'est vraiment très plaisant. Bah, merci beaucoup d'être passé ce soir nous parler de cela, parce que je pense que ça intéressait bon nombre d'auditeurs et qui n'étaient pas forcément au courant, et moi le premier. À la semaine prochaine. BXXL, de 20h à 21h, sur Viva Bruxelles. Bah, merci beaucoup à notre invité Alain Lodens. Avec plaisir, Stéphane. Un site internet où on peut vous retrouver tout le temps avec Brussels by Water, les visites, les rendez-vous. Voilà, tout à fait, brusselsbywater.be et coordination Seine en ce qui concerne les promenades et l'éducatif pour les enfants également. Ouais, et d'ailleurs, il y a même la brasserie de la Seine qui paraît n'est pas très... pas très loin. Elle va venir s'installer au bassin Vergaud. Ah, voilà, bah, on ira boire une lambic. Un lambic à la brasserie de la Seine. Et ça passe vite, cette émission. Il y a Lucas qui est parti 5 minutes, bon il va peut-être revenir Marion, mais en attendant il faut que ça, hein, il faut qu'on avance, puisque dans un instant c'est Olivier Gilin qui va nous rejoindre sur Vivacité avec sa pile de disques pour Viva Musique, l'agenda des bons plans dans les prochains jours. Oui, alors ce week-end c'est le Good Food Festival, donc c'est 22 et 23 octobre, hein. Alors vous allez découvrir l'alimentation durable un peu partout à Bruxelles et je vais vous donner quelques idées des activités qui sont organisées. Alors au Tanneur dans les Marolles, vous pourrez par exemple participer à un atelier de juicing, hein, pour justement faire du jus food, avec les pommes que vous êtes en train de manger. À Uccle, sinon, vous pourrez déguster un bon petit déjeuner spécial Good Food avec que des produits locaux et de qualité. Sinon, en parlant de petit déjeuner, je ne sais pas si vous aimez le granola, mais en tout cas, vous allez pouvoir apprendre c'est à en faire. C'est quoi le granola ? À Woluwe-Saint-Lambert. Alors, le granola, c'est des sortes de céréales avec des graines, etc., que vous faites vous-même. Ah oui, oui. À Woluwe-Saint-Lambert. C'est l'espèce de snacks avec des non, fraises. Non, c'est un peu meilleur que les snacks. Ah oui, non, mais moi, il y a quelqu'un qui se fiche de moi parce que j'achète ça tout fait, en fait, hein, dans les magasins bio. Des noix et des fruits secs dedans. Voilà, oui. Exactement. Et on rigole. Mais enfin, c'est quoi tes smacks tout préparé là? Enfin bref. Et ben voilà, donc voilà. Vous allez pouvoir en prendre, en faire vous-même pour que vous ne les achetiez plus tout fait en magasin. Okay. Donc ça, c'est à Woluwe-Saint-Ambert. Et puis sinon, on peut apprendre à faire un potager urbain à Saint-Gilles et toutes ces activités. Ben, vous pouvez les découvrir commune par commune sur le site www.goodfood.brussels. Allez-y, et en plus, c'est un événement vivacité. Et puis, il n'y a pas que Good Food, il y a aussi un festival qui commence ce jeudi. Oui, c'est le Festival des Libertés. C'est quoi le Festival des Libertés? Eh bien, c'est un festival qui est politique, artistique, métissé, créatif, festif, subversif. Le Festival des Libertés mobilise chaque automne toutes les formes d'expression pour se faire le témoin de la situation des droits et des libertés dans le monde. Alors ce jeudi, c'est la soirée d'ouverture. Il y aura quoi ? Il y aura 2 films au programme et 2 concerts. Hein. Horos de Bruges. Prouchot, c'est un groupe espagnol, voilà, j'ai très bien prononcé. Et puis il y a aussi un super groupe, le groupe Super Ska. Voilà, Horos de Prouchot. Voilà. Et puis sinon, si vous voulez rester chez vous au chaud, eh bien, sachez que l'A3 organise une soirée spéciale Droits de l'Homme. À 21h25, vous pourrez voir le film Rwanda, La vie après, un film de Benoît Dervaux et André Versailles. Et puis à 22h30, ce sera le film Asie, le réveil ouvrier, un documentaire de Michael Stanske. Et demain matin, c'est Julie Vanage qui vous réveille dans Bruxelles Matin entre 6h et 8h sur Viva Bruxelles. Et elle nous parlera de burgers, oui, de kiosques à journaux qui cherchent repreneurs. Et d'automne, tiens, elle va peut-être nous parler du type qui a accueilli le gagnant de l'Euromillion. Hein, qui c'est, kiosque à journaux, mais oui. Bah oui, enfin, kiosque, journaux, loto, ça va ensemble, non? Ça va très bien ensemble d'ailleurs. Et puis le nouvel événement, donc incontournable, Cine Culinaria, c'est bien sûr. Automne. Et on va avoir faim dès le matin avec Julie et des burgers à 6h. Je sais pas si vous êtes friande de hamburgers à 6h du matin. Quand je rentre à 5h du matin, oui, un petit burger à 6h, ça va bien. Moi, sinon, je préfère le granola le matin. Ouais, en général, on commence la journée le mardi. Hein. Enfin, vous sortez le lundi soir, en fait? Non, pas vraiment, j'imite. Ah, vous sortez le lundi soir après l'émission, d'accord. C'est pour ça qu'elle est toujours très très bien habillée, très jolie. Je pensais que c'était normal, mais c'est parce que vous sortez, Marion. Bon, allez, je suis coupable. Bon, je vous souhaite une belle soirée, alors, bonne sortie. Merci. Et à demain matin, prochain. Avec la tête en sky et les cheveux qui poussent à l'intérieur. Laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute? Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Dans mon magasin de Reusbrook, je solde mes tapis pleins, vinyle, carpettes et papier peint et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Voir conditions en magasin. Il y a du nouveau, du tout nouveau au garage Suzuki Le Sage. Les nouveaux Balneo et Escross vont faire bon ménage dans notre showroom. Et tant que vous y êtes, venez essayer le nouveau Vitara. Il est à vous pour 14 799 euros seulement. Nouveau Balneo Escross et conditions incroyables sur le nouveau Vitara, c'est chez Le Sage. Chaussée de la Hulpe 225 à Watermal Boisfort. Offre soumise à condition. Profitez maintenant de l'action automne. Des milliers de carrelages à petit prix. Pour un bien. Dans un monde qui change, les bons comptes font les bons couples. Et vous, vous êtes plutôt compte perso ou compte commun ? Ah bah nous, on gère tout en commun. Ouais, ouais, enfin sauf la lessive. Hein. Bon, compte perso, on a déjà assez de choses en commun. Ah, tu trouves ? Ah, personnellement, je suis plutôt compte en commun. Ça t'arrange bien, hein ? Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a une solution simple et flexible pour gérer votre argent à deux. Découvrez le Confort Pack. Seulement 2,60€ par mois pour 3 comptes et jusqu'à 2 titulaires. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Franck Ruel, bonsoir. BNP Paribas Fortis va maintenir un vaste réseau d'agences, mais à l'avenir, la banque fonctionnera beaucoup plus sur rendez-vous. Sur les 785 agences actuelles, entre 30 et 40 vont disparaître l'an prochain et autant deviendront indépendantes. Le nombre d'agences multiservices sera réduit pour faire place à plus de points conseils. L'an prochain, BNP Paribas Fortis veut aussi lancer le projet test de banquiers volants, des conseils qui iront à la rencontre des clients. Par ailleurs, les contacts par téléphone, internet et réseaux sociaux seront renforcés. Au début du mois, on s'en souvient, ING avait annoncé une lourde restructuration en expliquant notamment que de plus en plus de clients se tournent vers internet. Chez BNP Paribas Fortis, on explique qu'à peine 3% des clients ont opté pour une solution